Contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoilà un mardi tous les 15 jours pour parler du sujet du burn-out, qui est un sujet tabou. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler maintenant, le fait que ce soit un sujet tabou. Déjà, en premier, on va remercier Lee qui est à la technique aujourd'hui. Bonjour Lee. Bonjour. Voilà, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui, une jeune comme ça, pour parler de ce phénomène qui est de plus en plus important et qui concerne aussi de plus en plus les jeunes. On avait parlé ensemble, parce que tu étais venue une fois intervenir, de l'importance de ce phénomène chez les jeunes, entre autres pour l'état d'anxiété dans lequel les jeunes se trouvent actuellement. Ouais. Je pense que tu te souviens de cette fois où tu étais intervenue. Ouais, c'était cool. Voilà. Je voulais juste déjà, en premier lieu, expliquer que ce phénomène tabou est un peu le premier point qu'on veut aborder aujourd'hui, après avoir abordé les symptômes, après avoir abordé comment s'en sortir. Le fait que ce soit tabou est quand même une question de fond. Pourquoi ? Parce que, actuellement, ce phénomène est tabou. Parce que c'est une faiblesse. Or, ce n'est pas fashion d'être faible. Hein, Lee, je pense que être faible actuellement, ça pose un questionnement chez les jeunes. Ah oui, oui. Je pense que ça pose questionnement, mais ça commence à s'alléger parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on s'expose beaucoup sur, par exemple, les maladies mentales, etc. Et donc, ça commence à aller dans le mieux, on va dire. Mais il y aura toujours du monde pour dire « Ah non, ça va pas. Non. » Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose dans tous les cas, en fait. Tu te sens mal pour une raison, mais en fait, c'est pas valable ou quoi. Oui, voilà. Et là, c'est bien. Tu as mis le point sur quelque chose. Maladie mentale, on pense que le burn-out est une maladie mentale. Pas vraiment. En premier lieu, le burn-out est quand même une maladie physique, c'est-à-dire que c'est une trop grosse consommation d'adrénaline et de cortisol qui met à mal le corps. Alors, peut-être qu'il y a des raisons psychologiques, et là, on rentre dans le fait que le burn-out est quand même une pathologie de société, une maladie de la société. Être toujours le meilleur, en concurrence, la compétition, l'urgence, tout le temps dans l'urgence, et en même temps dans l'évaluation. Comme la paire de draps, est-elle douce, n'est-elle pas douce ? On met l'être humain au même niveau, est-il apte à, et on voudrait être le meilleur des meilleurs, ce qui est quand même quelque chose de, on va dire, de lourd à porter, surtout chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup d'eux dans des circonstances qui ne sont pas favorables déjà de prime abord. Puis aujourd'hui, c'est difficile d'être le meilleur parce que tout le monde fait tout, en fait. Tout est abordable à tout le monde. C'est dans ça. La musique, par exemple, avec l'autotune, même les personnes qui ne savent pas chanter, elles peuvent chanter, en fait. C'est un petit peu comme ça, où tout le monde peut accéder à tout, mais du coup, tu veux forcément être bien dans ce sujet-là, dans cette action-là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et en plus, voilà, si on n'est pas le meilleur, ça veut dire égal, nous sommes pas bons. Donc pas bon veut dire tout de suite rabaisser. Ouais. Et c'est ça, ce sujet tabou. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du burn-out, mais de manière assez populaire. Hein. Ah, il est en burn-out, ça, on le dit facilement maintenant. Par contre, la personne qui est en burn-out se sent extrêmement jugée par le regard extérieur et extrêmement mal par rapport au fait qu'elle a une faiblesse et elle doit vraiment assumer cette faiblesse, et c'est très difficile. On pense aussi que les jeunes sont très touchés, et là on va écouter une petite audio de jeunes par rapport à ce sujet. D'après de nombreux articles, le nombre de cas de burn-out serait en nette augmentation chez les lycéens. On parle de crise d'angoisse, de décrochage scolaire, mais aussi de malaise dont les lycéens seraient de plus en plus atteints, notamment pendant les contrôles ou pendant les épreuves du baccalauréat. Cela concernerait notamment les épreuves de spécialisation spécialités qui sont encore quelque chose de nouveau et qui représentent tout de même un tiers de la note finale du bac. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a plein d'autres sources de stress. Parmi celles-ci, on compte les parents, les professeurs, parfois la charge de travail demandée ou encore l'appréhension des épreuves en général. Une autre source de stress qui s'est révélée dernièrement, c'est notamment le choix des spécialités en seconde et en première par rapport aux attendus du supérieur. Notamment le fait d'avoir peur de se tromper et de ne pas avoir la spécialité demandée pour faire la formation de ses rêves. Et d'ailleurs, c'est souvent ça la cause principale du burn-out, c'est une perte de repères, une perte de sens, un sentiment d'incertitude, bien plus qu'une accumulation de fatigue en réalité. C'est ce sentiment d'incertitude qui crée un stress omniprésent, qui nous pousse à nous poser des questions et qui parfois amène à des dépressions. Et ça peut concerner absolument tous les élèves, même les meilleurs. Le niveau scolaire n'est pas du tout un indicateur de bonne santé. Le plus important, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez une trop grande pression, c'est de prévenir cela pour pas arriver justement dans un cas de burn-out. Et pour ce faire, le mieux, c'est d'en parler à quelqu'un, n'importe qui, du moment qu'elle vous écoute. Voilà, on espère que de votre côté, tout va bien. Si vous voyez que vos amis ont des soucis, n'hésitez pas à discuter avec eux et voir si vous pouvez peut-être les aider ou en tout cas les écouter. Et si vous avez des problèmes d'orientation, si vous ne vous sentez pas très bien, si vous avez des doutes, par exemple, sur vos choix de spécialité, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on essaiera de vous aider. Voilà, effectivement, qu'en parler est essentiel. Donc, c'est d'ailleurs notre but dans l'association, c'est de faire de l'information, de la sensibilisation pour indirectement faire de la prévention. Et vu que ça va toucher les jeunes, c'est hyper important maintenant d'en parler. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais dire que vous pouvez intervenir sur notre page Facebook Ralentir pour vivre à Beau ou bien sur la page Facebook de Radio Guémozo. Et autrement, vous pouvez même appeler en direct au 03 29 62 40 40. On garde un anonymat si vous le désirez, mais en parler devient vraiment une chose essentielle. En parler veut dire justement que ce sujet qui est tabou, qui est caché, qui est presque honteux, devrait être mis dans sa perspective. La perspective étant que nous sommes tous dans une société qui demande à ce qu'on aille de plus en plus vite. Je ne sais pas où on va, mais on veut y aller de plus en plus vite et de plus en plus performant, compétitif, de plus en plus quitte à tuer notre concurrent pour arriver le premier. Donc c'est quand même ça qu'il faut mettre en avant, c'est le burn-out ne touche pas des personnes faibles, au contraire. Elle touche des gens courageux, des gens qui ont la volonté, des gens qui veulent quelque chose. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, ça punit presque les meilleurs éléments quelque part. Donc ça, ce côté tabou est hyper important de gommer ce côté tabou pour mettre en avant quelque chose qui est de notre génération, enfin de notre période maintenant, j'allais dire de la génération de Lee. C'est-à-dire que là, je pense que les jeunes, c'est leur génération, ils sont nés dans le burn-out. Ouais, on est dans cette génération-là. C'est rigolo parce que dans l'audio, j'en parlais il y a deux jours, il parle par exemple du choix de l'emploi, du travail qu'on voudrait faire plus tard. Mmh. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes à la maison. Et en fait, j'avais pas le temps d'y penser, mais j'avais envie. Et à l'école, en fait, on est obligé de devoir y penser, puisque c'est pour ça qu'on nous formate, entre guillemets. C'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, en fait, je sais pas, j'ai pas que ça à penser. Moi, à la maison, c'est j'ai ça. Plus à penser. Et du coup, ça me met forcément dans une situation d'échec, en fait. C'est ça, et dans une situation de stress avec de la pression. Ah, énormément. De la pression chronique. Donc, c'est vraiment très pénible pour les jeunes maintenant, parce qu'ils sont dans cette situation. Mmh. Alors, je comprends bien que pour les personnes comme pour ma part, j'ai fait un burn-out il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, le burn-out, c'était une bête avec plein d'antennes, des grandes pattes, et on ne savait pas ce que c'était. Seulement maintenant, on sait quand même que cette situation, elle est courante. Ça touche quand même, en forme grave, pratiquement entre 2,5 millions et 3 millions de personnes wow. hein, dans la population française. Et ce qui est déclaré. Mais on sait qu'il y a 40% des gens qui sont dans des situations de stress et qui sont épuisés, mais pas encore dans ce qu'on pourrait appeler le continuum burn-out, pas dans le gris foncé, ils sont encore dans le gris clair. Ils sont encore dans cette sensation d'arriver encore à gérer. Mais c'est là où ça devient dangereux, cette sensation d'arriver à gérer et en même temps d'être à deux doigts de perdre les commandes. C'est ce moment-là qui fait que on n'ose pas en parler, on est dans le déni, parce qu'on veut pas qu'il soit dit, puisqu'on sait que si on a le burn-out et si on est dans cette situation, on va être mal vu. J'ai fait un témoignage qui va d'ailleurs passer, mais en mai, hein, d'une institutrice qui, elle, a eu un burn-out en fin de carrière. Elle le vit très mal. Elle le vit très très mal parce que tout son entourage professionnel a fait comme si de rien n'était. Wow. Ça, c'est pire que tout. Cette espèce de manière d'occulter, de rendre transparent la personne, de ne plus en parler, de faire comme si, un petit peu, bah, comme tu disais, comme si c'était une maladie mentale, alors que ce n'est pas vraiment une. Quand bien même c'est le fait de vouloir être parfait, ça c'est certain, que quand bien même c'est le fait de vouloir plus parce qu'on se dit que, ben oui, on pourrait plus et on devrait plus, ça c'est certain, il y a un côté psychologique. Mais dans le déclenchement de l'épuisement, c'est tout à fait physique. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent un matin, elles peuvent plus se lever. Mmh. Où elles peuvent plus prendre le volant pour faire... Il y avait Mario qui était professeur au conservatoire qui nous avait expliqué. Il a dû s'arrêter parce qu'il ne pouvait même plus conduire. Il avait cette espèce de... C'était des symptômes psychosomatiques d'angoisse terrible, de perte de contrôle de son cerveau. Tout allait en vrille, quoi. C'était pénible à vivre. Et ça, c'est un côté physique, hein. C'est un déséquilibre hormonal. Et ça, il faut quand même le mettre sur la table. C'est extrêmement important. En attendant, nous allons faire une petite pause musicale. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient de tenter les métamorphoses, puisque les révolutions se font maintenant à la maison, et que lorsque le monde applause, ce n'est qu'une nouvelle émission. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Puisque ce n'est plus qu'un système, et sa police américaine Voilà, chères auditrices et auditeurs, eh bien oui, il est temps de se jeter à l'eau, de se jeter à l'eau pour la santé au travail. C'est la grande cause nationale pour 2025 du gouvernement français, c'est de mettre en lumière un problème de société qui concerne des millions de salariés et de managers. Alors, je l'expose parce que on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Maintenant, dans ce genre d'informations, il y a aussi le fait de savoir que à l'heure actuelle, soyons certains des chiffres. Donc, ils disent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, près de la moitié, c'est-à-dire 44% des salariés français, se disaient en état de détresse. Alors, j'enlève le mot psychologique parce que je suis pas très d'accord avec cette définition, mais en état de détresse psychologique, entendons, disons, en état de pré-burnout. Donc, 44%, c'est énorme. Mmh. Ça veut dire que quand on est dans une pièce avec 10 personnes, il y en a 4 qui sont touchés. Là, je trouve que le chiffre parle mieux. Ouais. On est avec 10 personnes, il y en a 4, hop, qui, eux, sont vraiment dans un état de stress violent. Ça, c'est important. Et puis, quand on regarde un graphique dans un site qui s'appelle Statista, alors là, c'est intéressant, c'est burn-out. Plus de la moitié des Européens sont concernés. Là, on parle de l'Europe. Hein. Okay. Et là, on va parler des pays les uns après les autres. Lesquels sont les plus concernés ? Eh bien, je vais peut-être surprendre, mais les Polonais, 70% sont concernés par comme ayant vécu ou s'étant senti au bord du burn-out. C'est énorme. C'est pour ça, sujet tabou, serait temps quand même d'en parler, parce que si on en arrive là, on va peut-être pas attendre d'être tout le monde le pied à terre pour pouvoir commencer à trouver des solutions. Hein. Après, on a les Roumains, 67%. Après, on a les Tchèques, 62%. Ensuite, on a les Italiens, 60%. On s'imagine pas, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup de différence. Voilà. Après, les Anglais, 60% également. Après, on a les Belges qui en sont à 59%. Ensuite, on a les Suisses qui sont à 55%. Les Suisses, qui eux ne sont pas rapides pourtant, eh bien, ils sont à 55% de gens qui se sentent au bord du burn-out. L'Espagne également, 55%. La France, on n'est pas dans les premiers, 51%. Ouais, j'aurais dit justement que la France, on aurait pu être dans les premiers parce qu'apparemment, on est un pays qui bouge beaucoup, qui sommes très carrés dans le travail, très carrés partout, très pressés. Enfin, on a cette réputation-là. Et ça m'étonne, l'Espagne. Par exemple. Oui, et puis moi je pense quand même que les Français ont, on va dire à minima, un petit côté laxiste qui n'est pas triste à avoir. Ouais. Peut-être c'est ça qui les sauve. Ouais. Un petit côté de voilà quoi. C'est pas très grave si on a 5 minutes de retard. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Après, on a l'Allemagne qui est à 50%. Donc là, on parle quand même d'un phénomène qui touche une grande part de la population. Et c'est ce côté tabou, à mon avis, est ce qui met en marche l'augmentation. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Là, d'ailleurs, on va faire plusieurs conférences. Donc, je vous invite à Relange Bio le 20 d'avril pour les symptômes. Parce que les symptômes, c'est ce qu'on a parlé il y a un mois en arrière avec l'IA. On a parlé de ça. Les symptômes, c'est une manière de dire « Ah, tiens, là, peut-être il faut que je fasse attention. Ah, là, il y a une petite lampe qui s'allume, bip bip, SOS, attention, personne probablement en détresse. » Donc voilà, et les symptômes, c'est important. Donc en parler, c'est hyper important de dédramatiser, puisqu'on est tous concernés, on va quand même pas se mettre à tous pleurer, mais on va se prendre quand même un peu de responsabilité et assumer qu'on est dans un monde qui nous pousse trop, qui nous demande trop. Qui va trop vite. Ouais. Et je pense que les jeunes de ce côté-là, j'avais entendu parler de jeunes qui refusaient actuellement, beaucoup de jeunes refusent actuellement de travailler à 100%. Ouais. Je sais pas, tu en connais, toi ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus la priorité sur avoir de l'argent. Donc, j'en connais qui font de l'argent pour faire de l'argent et qui sont pas forcément passionnés par leur boulot. J'en connais d'autres qui veulent plus travailler dans des boulots qu'ils aiment pas. Alors du coup, 100%, je sais pas vraiment. On est plus sur ce que t'apprécies faire. Alors, est-ce que tu préfères faire un boulot qui te passionne ou est-ce que tu préfères faire un boulot sur lequel t'es détaché mais qui te donne de l'argent et qui te fait avancer sur d'autres points de la vie, en fait. C'est vrai que c'est dur, hein, de travailler à plein temps. Oui, et puis en plus, maintenant, avoir un métier où on fait de l'argent, ça devient une perle rare. Faire un métier où on fait de l'argent et qui nous passionne. Ah oui, ça. Ça, je trouve que on est sur quelque chose d'encore plus rare. Oui, oui. C'est trop dur. Je pense que là, c'est effectivement difficile. Et là, on va passer une petite audio parce que je reviens là-dessus et je redis, le burn-out va toucher de plus en plus des jeunes. Le burn-out est un terme utilisé pour décrire un syndrome d'épuisement professionnel. La plupart du temps, cette expression est utilisée pour parler de personnes adultes. Mais depuis quelques années, des chercheurs ont observé que le burn-out pouvait également toucher des jeunes dans tes âges, au collège ou au lycée. Ainsi, selon une étude menée entre 2021 et 2022, le burn-out scolaire toucherait environ 15% des lycéens. Le burn-out des adolescents n'arrive pas d'un seul coup. Il s'agit en réalité d'un processus qui va affecter ta santé mentale et physique. Différents symptômes peuvent alors s'exprimer sur la durée. En plus de signes d'épuisement, tu peux éventuellement exprimer des signes de désinvestissement et de désintérêt, de dévalorisation, d'isolement, d'anxiété, de dépression, de phobie scolaire ou bien avoir des troubles du sommeil. Des symptômes qui peuvent toucher tous les jeunes à un moment de leur vie. Mais pour certains, cela peut se transformer en véritable burn-out scolaire. Les élèves avec des troubles de l'apprentissage, troubles 10 par exemple, des difficultés scolaires ou une mauvaise estime d'eux-mêmes sont davantage susceptibles d'être touchés. À long terme, le burn-out impacte donc ta qualité de vie et ta santé mentale et peut aussi avoir des conséquences sur ton parcours scolaire. Si le burn-out commence à toucher des adolescents, c'est que la pression scolaire est de plus en plus importante, expliquent les chercheurs. Notamment au lycée, avec les différentes réformes, l'arrivée de la plateforme pour l'orientation appelée Parcoursup, avec ses incertitudes, mais aussi les emplois du temps surchargés. La quête de l'excellence qui caractérise le système scolaire français génère stress et angoisse chez les adolescents, qui s'inquiètent pour leurs futures études et leur avenir. Ce système fait que tes enseignants et tes parents, souvent sans s'en rendre compte, peuvent également faire peser une forte pression sur tes épaules. Il reste difficile aujourd'hui de diagnostiquer un burn-out scolaire, qui est différent d'une phobie scolaire ou d'une dépression, mais peut parfois générer l'un ou l'autre. Néanmoins, si tu ressens un stress important par rapport à l'école, ou si tu te sens démuni, épuisé ou angoissé face à ta charge de travail, que tu n'arrives pas à trouver un équilibre entre temps de travail, activité et repos, que la pression est trop forte pour toi, le mieux est d'en parler rapidement à un adulte de confiance, dont tu sais qu'il prendra le temps de bien t'écouter. Parents, enseignants, infirmières scolaires, CPE. Parfois également aller voir un psychologue ou un psychiatre pour parler de ses angoisses peut aider. Même si cela n'est pas toujours facile, le mieux pour éviter un burn-out scolaire est de parler rapidement autour de toi de tes émotions, tes craintes et ta fatigue pour trouver une solution avec ton entourage. Voilà, chères auditrices et auditeurs, vous l'aurez compris, ça concerne également les jeunes, 15%. Mmh. C'est déjà, à mon avis, un beau signal d'alarme. Moi, ce que je trouve le plus fou, c'est la mini-nuance qu'il peut y avoir. Ils disent, entre le burn-out scolaire, il ne faut pas le mélanger avec la phobie scolaire ou la dépression. Et il y a tellement une infime c'est partie, ça. En fait, qui te dit, OK, là, tu es en burn-out scolaire. Ah non, en fait, tu es en dépression. Et c'est difficile de trouver la nuance, en fait. Oui. Et quand même, la nuance se trouve à travers le dialogue. Aller parler à quelqu'un, se faire accompagner, se faire soutenir et ne pas hésiter à en parler ouvertement. Mmh. Oui, c'est très important. Donc là, j'étais sur un site internet qui explique pourquoi 2025 sera l'année du bien-être au travail. Ah. Alors là, ils disent que cette année, il y a eu un plan stratégique, une priorité stratégique pour les entreprises françaises concernant l'histoire de l'impact économique du mal-être professionnel. Donc là, on parle des attentes croissantes des salariés. C'est un changement de mentalité post-pandémique. Donc après Covid, il y a eu un changement de mentalité. Et ils disent que la recherche de sens au travail s'est intensifiée. Ouais. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un sens au travail et qu'ils ne veulent plus se contenter de rémunération attractive. C'est-à-dire que comme tu disais, on veut encore bien, mais on veut aussi que ça nous passionne. Ouais. Donc on veut les deux quelque part. Hein. Il y a une aspiration vraiment désormais à un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. D'après une enquête réalisée en 2024 par France Travail, 34% des salariés français souhaitent des horaires flexibles et 41% considèrent la qualité des relations humaines comme un facteur central du bien-être. Mmh. Donc on en vient quand même à une qualité plutôt qu'à une quantité. On veut bien que ce soit agréable au point de vue rémunération, mais on veut une qualité. Et ça, c'est le point fort sur lequel, apparemment, ils ont mis des spots sur 2025. D'ailleurs, nous, il y a la ville de Charmes qui nous a demandé d'intervenir pour 3 conférences en septembre, octobre et novembre dans le cadre d'une campagne de mal-être au travail et comment arriver au bien-être au travail. Les entreprises qui ignorent les attentes prennent le risque de voir leur turnover augmenter, c'est-à-dire que les gens s'en vont et on dit, bah, tiens, c'est bizarre, telle place, ah, bah, dis donc, ça change tout le temps. Oui, bah, ça, c'est déjà un facteur d'alarme. L'entreprise devrait déjà se poser une bonne... Et puis ça, ils disent particulièrement auprès des jeunes générations qui n'hésitent plus à quitter un poste si celui-ci ne répond pas à leurs aspirations. Il y a ce côté, ils franchissent plus vite. Hein. Ouais. J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'une personne que je connais bien, justement, qui est arrivée. Et 2 jours après, il a quitté ce travail-là parce que c'était pas possible. En parlant avec ses collègues les premiers jours, il a appris qu'en fait, ce poste-là, c'était au moins la 10e personne en 6 mois qui changeait, en fait. Voilà. On peut quand même pas mettre un voile là-dessus. On peut pas jouer à l'omerta. Il va falloir quand même en parler. Ah ouais. Il y a quand même c'est pour ça que si c'était reconnu comme maladie professionnelle, ce serait assumé d'une autre manière. Ce qui fait que ce serait comme les accidents professionnels. Et les entreprises devraient veiller, sinon ils auraient leur taux qui augmente. Donc là, effectivement, ce serait important d'arriver à un moment donné où ce soit vraiment pris en compte comme une réelle maladie professionnelle. Bien qu'on peut avoir le burn-out dans d'autres circonstances de vie, même quand on est à la recherche de travail, c'est tellement pesant qu'on est sous pression et qu'on est à 2 doigts du burn-out aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et la montée en flèche aussi des troubles liés au stress, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a une étude qui a été publiée fin 2024 qui révèle que 61% des salariés français subissent du stress régulier contre 54% avant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui a bougé là à ce niveau-là et ils ont peut-être pris plus conscience de choses qui leur pèsent, je sais pas. Ils disent que les causes identifiées, c'est la surcharge de travail. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises, ils sont 10 à travailler, ils en licencient 2, mais ils ont toujours la même charge de travail avec 2 de moins. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est clair. Voilà. Et ils disent aussi que les effets du stress sont dramatiques. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que le burn-out, en forme très grave, mène quand même au suicide. Parce qu'on est tellement épuisé qu'on n'a plus aucune raison d'avoir envie d'être en vie. Ça, c'est grave quand même. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. C'est extrêmement important. Hier, j'ai discuté avec des amis, justement, on parlait des professeurs, des enseignants. Ah. Et il est arrivé à une de mes amies, un professeur qui s'est suicidé dans la cour. Voilà. Parce qu'il n'en pouvait plus. Mais c'est quand même... Affreux. Ça, c'est fou. C'est fou. Ça arrive vraiment beaucoup trop aux profs, d'ailleurs. Hein. Oui. D'ailleurs, on vous retrouvera le 22 avril avec une personne d'un syndicat d'enseignants qui va nous parler des problématiques des enseignants, qui est devenue très grave. Ouais. La dernière qu'on avait connue, qui a été passée dans les médias, c'était Christine Renon en 2018, qui s'était aussi suicidée dans la cour de l'école. Ouais. C'est quand même des choses inimaginables. Il faut en arriver à un tel point de se suicider, être sur ton lieu de travail, alors que tu sais que tu as des enfants. Et que ça peut... Enfin, du coup, tu le sais, mais t'en as tellement plus rien à faire parce que t'en as tellement eu gros sur la patate que t'en arrives à ce point-là. Je trouve ça fou. Oui, moi aussi, je trouve ça fou. Et ce que je trouve fou, c'est que ça ne soit pas pris en compte comme vraiment une urgence. Il y a urgence à tenir compte. Et là, on ne va pas passer sur tout ce qui se passe au gouvernement actuellement par rapport à la diminution des budgets, des enseignants et tout, qui les mettent dans une situation de plus en plus compliquée. Moi, je me suis retrouvée vraiment à plus pouvoir marcher physiquement. Oui. J'ai vraiment passé une semaine à quatre pattes. Oui. Donc c'est bien alors ce qu'on dit que ton corps... Il s'éteint en fait. Ah, et je crois que j'avais avant l'impression dans cette vie qui était vraiment pas alignée d'être un peu. Je me souviens de cette chanson qui dit je suis comme un néon éteint. Mmh. C'est une chanson française. Bref. Et donc j'étais vraiment ce néon éteint parce que j'étais pas en phase. Mmh. Cette vie me correspondait pas vraiment. Donc mais par contre c'est physiquement genre sur une image de batterie qui est remplie sur ton iPhone. C'est même plus que ça clignote. C'est juste il y a plus rien quoi. Il y a plus du tout de jus. Mmh. En parler est vraiment important. Donc, on en est toujours dans cette idée que le fait que ce soit un sujet tabou, moi, je le comprends. Je le comprends très bien. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cet état-là, c'est pas joyeux si on a un parent dans cet état-là. Et en plus, le burn-out, souvent, est confondu avec une maladie fourre-tout. C'est-à-dire qu'on dit « oui, mais elle a un burn-out ». T'as l'air de dire « oui, elle a un truc fourre-tout, quoi ». C'est comme la dépression. Oui. C'est que, enfin, là, du coup, c'est un petit peu moins tabou parce qu'on en parle beaucoup. Mais la dépression, on dit, ouais, je suis en dépression. Ah ben non, c'est pas vrai. Ah ben, l'institutrice que j'ai interviewée dernièrement, là, pour le témoignage du mois de mai, me disait, mais les gens me disaient, mais allez, secoue-toi un peu. Ouais. Non, mais on n'en est pas là. C'est facile. Comme à elle dire. L'a dit, là, dans la petite audio, tout s'éteint. Les batteries, c'est fini. Il n'y a même plus une barre. Il n'y a rien. C'est out. Complet. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, du coup ? Tu vas trouver quelqu'un qui te soutient, t'en parle, et puis tu le prends comme quand tu t'es cassé deux jambes. Ouais, tu vis avec. Faut pas lutter, peut-être, contre. Faut pas lutter. Ouais. Faut pas lutter pour pouvoir remonter, il faut déjà accepter. Mmh. Il faut déjà repartir à zéro. Parce que moi, je dis toujours que le burn-out, c'est une fatigue qui, en premier lieu, est émotionnelle, d'accord ? Mmh. Ensuite, elle atteint le psychique, donc le psychique devient aussi très fatigué. Et ensuite, en finale, vu qu'il y a souvent des psychiques très forts avec beaucoup de volonté, elle attaque le physique. Ouais, donc ça, c'est la descente, d'accord ? Donc c'est l'arrivée au burn-out. On arrive au burn-out parce qu'en finale, le physique dit stop. Et puis... il n'y a plus rien dans les batteries et on est obligé d'arrêter tout et de redémarrer à zéro. Et le stade pour remonter, c'est remettre en état le physique, donc arrêt sur image, repos total, arrêter les stimulations extérieures dans le silence, la nature, le repos total et puis si possible des activités manuelles qui calment le cerveau, qui ne nous demandent pas d'être trop à penser, arrêter de penser, donc s'occuper les mains quelquefois ça permet d'arrêter de penser, on reconstruit le physique. De ce fait, bah oui, c'est le fameux esprit sain d'un corps sain. Le physique se reconstruit, l'esprit remonte, le psychique reprend de la force. Et en dernier lieu, c'est l'émotionnel. Et ça, c'est le stade le plus difficile à reconstruire. Refaire confiance dans des situations qui peuvent avoir des points similaires à ce qu'on a connu quand on est tombé en burn-out et qui font qu'on a ce qu'on appelle le trouble post-traumatique. Qui nécessite, un suivi psychologique intense pour pouvoir reprendre confiance et reprendre jamais comme avant parce que on n'aura plus. Des fois, il y a des gens qui disent, mais moi, je fonctionnais comme ça, je peux pas fonctionner autrement. Écoutez, j'ai envie de dire, quand on s'est cassé, par exemple, une jambe ou qu'on a eu un accident un peu important, on va pouvoir remarcher, mais on va peut-être plus pouvoir refaire un marathon ou on va peut-être plus pouvoir faire... Mais on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses très bien qui vont pouvoir être aussi attractives. Donc, il faut pas stagner trop sur l'idée « oui, mais je veux fonctionner comme avant », mais plutôt découvrir cette autre manière de fonctionner qui est profiter du moment présent et être vraiment présent. Et puis si tu continues en fait à être comme avant, bah tu vas retomber dans c'est cet ça. État-là, c'est pas pour rien que t'es tombé dans cet état-là finalement, c'est que ça te convenait pas. C'est ça. Et puis être peut-être en recul par rapport aux attentes du monde extérieur. Ouais. Je me souviens quand j'ai eu mon burn-out, je me posais une question quelquefois qui faisait rire mes amis. Je me disais bon, est-ce que c'est grave ça ? Est-ce que le monde continue à tourner ? Oui. Première réponse. Est-ce que le jour se lève ? Oui. Deuxième réponse. Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que j'ai un minimum de sécurité, on va dire, qui fait que matériellement, j'ai le minimum avec mes besoins vitaux? Oui. OK. Et après, est-ce que j'ai encore des petits moments où je pourrais trouver des petits contentements? Oui. Alors donc, ce n'est pas grave. Donc, dédramatiser aussi permet de passer à une autre manière de fonctionner. Je trouve ça tellement dur de dédramatiser. Oui. Quand je suis dans des états où je suis dans le moins bien, bah en fait, j'essaye de me dire ça, mais je me dis c'est tellement flou, en fait. C'est comme quand on dit, quand on me dit, quand t'es enfant, gaspille pas, il y a les enfants africains qui meurent de faim, tu vois. Bah, en fait, oui, mais si c'est comme ça dans ma tête, c'est plus fort que moi. Oui. Alors, oui, j'ai un toit, oui, j'ai de quoi manger, mais je suis tellement dans cet état-là que je peux pas agir. Oui, alors. C'est ça qui est dur. C'est dur et je donne ça, comme je dis toujours, hein, les conseillers sont pas les payeurs. Moi, je dis qu'il y a des choses comme par exemple les activités créatives. Ouais, l'art-thérapie, ça marche très bien. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Là, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent permettre se lancer dans la méditation, pas, extrême, mais disons simple, à la Fabrice Midal, s'asseoir et s'écouter respirer. Faire des choses peut-être qui paraissent banales, mais qui calment le cerveau. Puis ça, c'est des choses qui te permettent de plus penser. Oui. Et à partir du moment où ça, tu vois que ça te porte vraiment, enfin que ça te fait du bien, et bah t'as plus envie d'y aller. C'est ça. Et du coup, c'est là que le cercle vertueux, il arrive en fait. C'est ça. Oui. Tu sais que t'es capable de le faire. Oui. Tu peux faire encore un petit peu plus. Et en plus, tu penses plus. Oui, c'est ça. Oui. Ça fait beaucoup de bien, effectivement. Te dire les mots que tu espères, ces mots de velours qui vont te plaire, pour devenir celle que tu attends, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, pour revoir le monde un peu plus beau, prendre chaque jour comme un cadeau, pour trouver l'envie tout comme avant, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, et la vie fait tout ce qu'elle veut. Voilà, chères auditrices et auditeurs, la vie fait tout ce qu'elle veut, effectivement. Elle nous mène des fois à droite et à gauche, et il faut garder le cap. J'aimerais mettre un point. Alors, je vais pas dire que ça m'a mis en colère, mais je parlerai jeune, ça m'a rendu vénère. Ah, de quoi s'agit-il? De la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la définition du burn-out. Alors ouais. Là, je vous dis tout de suite, c'est comme le bouchon de champagne qui saute, ce n'est pas, malheureusement pas le cas, ce n'est pas joyeux. Le burn-out est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail, jusque-là. Ça va, hein? Qui n'a pas été géré avec succès. Là, je sors ma Kalachnikov. Pam. De quoi on parle? Comment peut-on gérer un stress chronique? C'est complètement contradictoire. C'est tout à fait. C'est chronique. C'est chronique. Et techniquement, physiquement, médicalement parlant, ce n'est pas mentalement gérable. Mmh. Est-ce qu'on me suit? Donc, médicalement, un stress chronique est physique et n'est pas mentalement gérable. Mmh. Donc là, j'aurais aimé qu'il rajoute qu'il n'a pas été géré avec succès par l'entreprise. Là, je dirais encore... Oui, parce que du coup, ça remet en fait la faute sur la personne qui n'est pas bien. Et voilà. Et on en est toujours à rendre coupable la victime. Voilà. Ah là là, vous comprenez ça, pourquoi c'est beau, ça. Chères auditrices et auditeurs, j'ai été un moment vénère là, parce que là, non, faut arrêter. Il faut justement parler, parce que l'individu n'a pas à se sentir coupable d'avoir été victime. Et donc là, il parle aussi, alors c'est HR Maps. Alors j'ai voulu rentrer ça parce que les DRH, c'est un secteur. Alors quand on sait ça, on se dit aussi, on comprend aussi pourquoi dans les entreprises, il y a un os dans le pâté. Donc, alors il parle dans ce HR Maps, ce site, les symptômes de l'épuisement professionnel. Donc il montre une pile à plat déjà. C'est ce qu'on disait avant. Fatigue malgré du repos, donc ça c'est un symptôme. Trouble du sommeil, un autre symptôme. Maux de tête et migraines. Trouble digestif. Anxiété, stress et irritabilité. Vous voyez ce que ça donne dans les entreprises. Démotivation. Dévalorisation de soi. Diminution de productivité. Alors là, alerte, hein. Donc les entreprises devraient quand même réfléchir. Ouais. Sensation d'être submergée par le travail. Donc ils disent c'est un phénomène répandu en France et là je vous laisse apprécier. Plus de 3 employés sur 10 sont en état de burn-out. OK. 4 managers sur 10 souffrent d'un épuisement professionnel. On monte là, hein. Ouais. Donc là on est à 40%. Et là pour les RH, 9 RH sur 10 déclarent être au bord de l'épuisement. Waouh. C'est beaucoup trop. En plus, c'est à eux de gérer les cas des employés qui sont en burn-out et des managers. Donc, je vous dis quand même que là... alors, ils disent dans les causes, ils disent manque d'autonomie, manque de reconnaissance. Alors ça, c'est en premier. Oui. Un manque de reconnaissance, c'est très... Dépendance au travail, alors moi, je suis plus ou moins d'accord. Hein. Dépendance au travail. Ouais, ça laisse à réfléchir. Hein. C'est-à-dire, donc en fait, tu te sens pas bien dans ton cadre de travail? Non. En fait, tu peux pas faire autrement sans travailler. Tu peux faire que ça dans ta vie. Ok. Peur de l'échec, ça, je peux l'entendre. Charge élevée de travail. Alors là, je pense qu'on est juste, oui. Ouais. Charge élevée de travail. Alors, conflit avec les collègues. Quand on est en burn-out, on est irritable et on devient agressif. Donc là... Hein? Ça va de soi. Oui, voilà. C'est pas une cause, c'est plutôt, on va dire, un effet... Une conséquence. Oui, ouais. Voilà. Appelons un chat un chat. Hein? Injustice et favoritisme, ben là aussi, c'est une conséquence. Hein? Mm. Demande contradictoire, c'est aussi une conséquence. Hein? C'est quelqu'un qui est épuisé. Puis déséquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est aussi une conséquence. On te demande trop de boulot. Tu dois même travailler le week-end. Ouais. C'est une conséquence et non pas une cause. Oui, bah oui. Voilà, c'est une cause, oui, mais enfin, j'entends, la conséquence étant que ta vie personnelle diminue. Tu peux pas faire sans, de toute façon. Enfin, c'est comme ça que c'est... Si t'es dedans, c'est comme ça que t'es, quoi. Voilà. Et dans la répartition, dans les âges, ils disent moins de 30 ans, 20%. 40 à 50, 26%. Et 40 à 50, 27%. Oui, là aussi, oui, je suis plus ou moins d'accord avec tout ça. Ce que je retiendrai de ce site, c'est quand même que 9 RH sur 10 sont au bord de l'épuisement. Et là, on va juste entendre une petite réaction d'un DRH. Le DRH, il peut pas aller se plaindre à la machine à café. Il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il montre qu'il est le leader, qu'il a réponse à tout. Il peut pas montrer une faiblesse. Le fait que les dirigeants se sentent seuls et que ce soit tabou, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème parce que être seul dans la prise de décision, alors dans mon bouquin, je l'explique, il y a 7 formes de solitude hein, dans les dirigeants, mais je vais parler peut-être de la solitude décisionnelle, celle où on est face à des grosses décisions importantes et on n'a personne à qui parler d'égal à égal qui vient nous donner les bons conseils. Oui, là vraiment, on comprend tout de suite la panique des DRH. Hein. Ils sont seuls. Ils sont seuls sur le bateau et logiquement, c'est eux qui doivent barrer le bateau. On fait quoi là? Est-ce que ils peuvent pas justement sortir de ce cadre professionnel et aller voir quelqu'un en dehors? Ah, je pense ça que peut ça compenser. Oui. Je pense qu'il faut le faire dans je ces pense cas-là, que si là, faut. Oui, vraiment. Parce que en gros, les DRH, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre les deux. Ouais. On leur tape dessus des deux côtés. Ils sont compressés. Donc, effectivement, pour tenir un rôle, on va dire, médiateur ou arrangeur, ou en tout cas un rôle positif, ils sont mal placés ouais. pour le faire. C'est compliqué. Donc ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans les entreprises, c'est difficilement gérable. Et donc, on en revient à un autre sujet du départ. Ce sujet tabou, parlons-en. Parlons de ce sujet, il faut dire exactement. Et quand les gens sont fatigués, même s'ils ne sont pas encore déclarés en burn-out, le dire, en parler. Je pense qu'en en parlant, en force d'en parler, on va pouvoir mettre à jour cette problématique qui quand même nous gangrène toute une société. Moi, ce qui me pose question, c'est quand tu te retrouves en tant que proche en face d'une personne qui parle de ça, comment faut réagir et comment faut pas réagir? Alors, réagir en écoutant, en disant le moins possible, et je pense proposer de l'aide extérieure, parce que c'est difficile, c'est lourd à porter. Et essayer de l'aiguiller en disant, mais avec beaucoup de bienveillance, mais tu sais, c'est pas dramatique si tu te fais soutenir. Bien sûr. C'est important. As-tu songé à... Et peut-être, alors nous distribuons une brochure qui est d'ailleurs en ligne sur notre site ralentirpourvivre.org, dans lesquelles on détaille les symptômes. Alors peut-être le poser sur la table, on ne sait jamais. Peut-être essayer de, avec toujours beaucoup de bienveillance, dire, écoute, à mon sens là, t'as pas à te sentir coupable, là t'es fatigué, il faut faire quelque chose pour toi. Ouais. En parler. Et voilà, je pense qu'écouter et peut-être dire d'aller consulter, c'est les premières approches. Peut-être que aussi, alors chercher une solution, c'est peut-être pas la bonne chose à faire parce que, comment dire, il faut que la personne en face, elle veuille aussi s'aider, quoi. C'est si ça. Si elle veut pas, faut juste soutenir, en fait. C'est ça. Puis je pense que la personne, au final, elle cherche pas tant de solutions, elle veut juste en parler et puis vider son sac. C'est ça. Et puis à un moment donné, quand vraiment c'est trop difficile, les gens souvent font cette démarche de dire « bon ben là, j'en peux plus, quoi. Il faut vraiment que je passe à autre chose. » Et il faut savoir se pardonner d'un moment de faiblesse. Et là, on va entendre Zaz. Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer. Couteau dans mes plaies, je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur. La colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono. Pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière. Des jours qui naissent, des jours qui meurent. Chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono. Pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono. Yo recuerdo todo. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Eh bien, nous nous retrouverons le mardi 22 avril avec Franco, syndicaliste, qui va nous parler du problème des enseignants, qui va être un problème important et qu'on se réjouit de prendre en main, parce que là, le côté tabou, ça met un parallèle en même temps le burn-out parental. Imaginez deux groupes, les enseignants et les parents, qui sont tous les deux dans des épuisements violents. Ça fait un sacré choc, hein. Là, c'est compliqué, hein. Et on remercie aussi beaucoup Lee pour sa participation à cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà. Et nous nous retrouverons avec grand plaisir dans 15 jours de midi à 13 heures. En attendant, vous pouvez aller sur notre site ralentirpourvivre.org. Et là, vous trouvez dans Activité la brochure qui est en ligne. Vous avez également les podcasts dans Activité, l'émission dans laquelle nous sommes actuellement à contretemps, c'est à vous en direct. Et vous avez aussi d'autres émissions comme Il était une fois le burn-out, qui sont des témoignages. Donc vous pouvez revoir tout ça sur notre site. Vous avez également des informations qui passent sur la page Facebook qui est Ralentir pour vivre ABO. On me demande toujours ce que c'est ABO, anti-burnout. Hein, on essaye un peu d'être positif. Et puis, on remercie aussi beaucoup le soutien de Radio Gemozo qui est notre partenaire. À très bientôt, chères auditrices et auditeurs.